Je circule sur une chaussée à sens unique, comme me l'indique la ligne de rive continue. En marche normale, je dois utiliser la voie de droite, mais pour dépasser, je peux utiliser la voie de gauche. J'aperçois un panneau qui annonce un carrefour à sens giratoire. Je suis donc bien placé pour tourner à gauche sur ce rond-point ou pour faire demi-tour. Réponse A et C.